بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكونتينيو القراءة في هذا الكتاب المفيد، سو ليفر دو الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. On est arrivé au mois de Dhul-Qi'dah. Lakin, le mois de Dhul-Qi'dah, il n'y a pas des adorations spécifiques à ce mois. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, il a cité certaines fawaïd, lakin, on passe directement au mois de Dhul-Hijjah. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa sadat. Hada al-shahr, le mois de Dhul-Hijjah, الله سبحانه وتعالى شرع فيه عبادات كثيرة. الله سبحانه وتعالى il a légiféré beaucoup d'adorations dans ce mois et c'est un mois sacré. فالمؤمن et c'est cela l'intérêt de ce livre qui est très très profitable. أن المؤمن quand il y a un موسم مثلا comme رمضان comme الحج أي un moment donné avec des adorations spécifiques à faire dans ce moment ou dans ce lieu. Amin al-Muhim, c'est que al-Muslim, il donne du temps pour apprendre. Hatta yakun mimman yu'budu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilm. Fakam min al-nas yuhibbuna al-khayr, lakin à cause de leur ignorance, fa peut-être que cette ignorance, elle les poussera à faire des choses qui ne sont pas légiférées, des innovations ou autres. فَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي مَجْمُوعَ الْفَتَاوَى النَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ فَعَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَيِّنُوا فَضْلَهَا لِلْعَامَّةِ فَالْعَامَّةُ يُحِبُّونَ الْخَيْرَ. La plupart des gens, ils sont fi ghafla an hadhihi al-ashr, les 10 premiers jours de ce mois sacré, le mois de Dhul-Hijjah. خاصةً ceux qui ne font pas le Hajj. أما ceux qui font le Hajj, ولله الحمد. Ils ont de la عناية avec beaucoup plus de choses. لماذا لأنهم يفون الحج. أما ceux qui ne vont pas au Hajj, ils sont في غفلة كما قال الشيخ رحمه الله. ثم قال فعلى طلبة العلم أن يبينوا فضلها للعام. Et c'est pour ça que à chaque fois quand un mois, il commence de l'année avec des adorations spécifiques. Enfin, on essaye d'étudier avec nos frères. وَفَقَ هَذَا الْكِتَابِ. Et on arrive à la fin. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Tout ça pour montrer aux autres. Tout ça pour propager هذا العلم. Il y en a, c'est pas tout le monde. خَاصَةً الْعَوَامِ. أَنَّهُمْ qui vont acheter ce genre de livre. La plupart, ils ne le connaissent pas. Et qui vont lire. Là, الْعَامِ. Et les personnes qui sont loin de la science, si tu ne le montres pas, Huawei ne fera pas cet effort, cette démarche d'essayer d'apprendre. Pourquoi? Parce que le mois de Dhul-Hijjah, il a commencé. Amma talabatul ilm, vu que leur principale occupation c'est l'ilm, ha'oula, si ils apprennent une masala, ils doivent la propager. Qala fa'ala talabatul ilm an yubayyinu fadlaha lil'amma. فالعامة يحبون الخير ولكن قد غفل طلبة العلم عن تنبيههم. فالمسؤولية elle est sur l'étudiant en science. أنه il a appris, connaît ses مسائل. تعلمون أن بعض العوام ils savent même pas quand est-ce que le mois de Dhul-Hijjah il commence. Ils sont fi ghafla. Surtout à notre époque et encore plus dans certains pays, ils se sont éloignés du calendrier des musulmans. Et ils prennent comme référence le calendrier grégorien des Nasara. Et c'est une belle loi, c'est une fitna azim. Le fait de s'être écarté du calendrier des musulmans, il y a beaucoup de mafasid. Parmi les méfaits, c'est le fait de ne plus avoir de référence. On a une période là, كثيرون من الناس, ils pensent à quoi? Ils pensent au mois de juillet, au mois d'août, les vacances, il a akhri. Les madaliana, ils ont basé leur mode de vie sur ce calendrier. Et ils sont très très loin du mois lunaire. على طلبة العلم أن ينبهوا العوام، لأن كما قال الشيخ العوام يحبون الخير. Leur montrer que c'est un mois sacré, leur montrer que dans ce mois, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a énormément de hassanat à acquérir. Bi-idhnillahi azza wa jal. فنبدأ في القراءة وبالله التوفيق. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وظائف الشهر ذي الحجة ويشتمل على مجالس. المجلس الأول في فضل عشر ذي الحجة. Ça sera notre cours d'aujourd'hui bi-idhnillah azza wa jal. Le premier majlis. Ce mois, il a classé en trois majlis. Le premier sur les 10 premiers jours de l'Hijjah, le deuxième sur Arafat et Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, et le Eid, et le troisième majlis, Ayyam al-Tashriq. On essaiera de faire un cours pour chaque majlis, bi-idhnillah. Donc le premier majlis fait Fadli Ashri al-Hijjah, et il mérite des 10 premiers jours de ce mois. قال خرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فضائل عظيمة par rapport à ces 10 premiers jours. Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ay cette période, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, les œuvres pieuses, elles sont meilleures que quand elles sont faites dans un autre mois. Parce que ça montre que hadhihi al-ashr, ça fait partie des meilleurs jours. Qala ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Bal c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Qala ya'ni ayyam al-ashr. Thumma ils ont posé cette question au prophète Aïssa alayhi salam. Ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. Ça nous montre que le jihad lahu fadlun 'azim 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-jihad wa yuhib al-mujahidin. Fa ils ont posé cette question, même le jihad, ya Rasulullah. فقال ولا الجهاد في سبيل الله مم الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء sauf un homme qui sort pour faire le jihad, qui se déplace pour participer au jihad et il perd sa vie et ses biens. مثلا il avait des vêtements, il avait une monture, il avait certaines choses, de l'argent, enfin, il meurt et il perd كذلك ces choses. هذا سي ان غون تري تري زيلوفي عند الله سبحانه وتعالى. قال والكلام في فضل ذي الحجه في فصلين, في فضل العمل فيه وعليه دل هذا الحديث, وفي فضله في نفسه. ثم هذا المجلس لا بارتاجي اون دو فصلين. الاول في فضل العمل فيه اي لي ميريت d'œuvrer dans ce mois. Et le deuxième fasl sur le mois lui-même. On commence par le premier. Qala rahimahullah al-fasl al-awwal fi fadl al-amali fi wa qad dalla hadha al-hadith ay hadith ibn Abbas sur les mérites des 10 premiers jours. Qala wa qad dalla hadha al-hadith ala anna al-amal fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amal fi ayyam ad-dunya min ghayri istithna shay'in minha. Fa hadha al-kalam al-imam ibn Rajab rahimahullah bayyana fi أن ces dix premiers jours plutôt, c'est les meilleurs jours de l'année. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام, ما من أيام, ça c'est من الفاظ العموم, c'est une généralité, et il n'y a pas de jour meilleur. العمل الصالح فيها أحب إلى الله إلى آخره. قال وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. Et bien sûr, si Allah سبحانه وتعالى il aime c'est les œuvres pendant ces jours, enfin, ça montre que هذا c'est أفضل, c'est meilleur عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا الحديث بلفظ ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر, وروي بالشك في لفظ أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. لماذا؟ لأن لي ميريت دو سيت بيريود. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد، même le jihad. Pourtant jihad c'est une adoration qui a beaucoup de mérite, beaucoup de valeur عند الله سبحانه وتعالى. لكن العمل، le fait de œuvrer pendant ces 10 premiers jours, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que ce temps, bien sûr, le mois de l'Hijja, c'est un mois sacré. Et كذلك les 10 premiers jours, Allah subhanahu wa ta'ala جعل فيها البركة. قال ولهذا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم c'était qu'une exception. أي celui qui perd sa vie et c'est bien lors du jihad. قال فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل. قال من عقر جواده وأهرق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. أولا العلماء اختلفوا في هذا. Les savants ils ont divergé dans cette mas'ala et certains savants ils ont différencié entre les nuits et les jours. Et d'autres ils n'ont pas fait cette différence. Comme Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. سيأتي معنا الكلام أنه يرجح que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et كذلك ça englobe pour lui et pour d'autres savants les nuits, c'est mieux que tous les autres jours, même Ramadan, même les 10 derniers jours de Ramadan. D'autres savants ils ont différencié entre les nuits et les jours. فقالوا أن les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah c'est les meilleurs jours. Et les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est les 10 meilleures nuits. Al-Imam Al-Taymiyyah, rahimahullah, su'ila, comme a fait Majmou' al-Fatawa, ils lui ont posé la question an 10 dhil-hijjah, wal 10 al-awakhir min Ramadan, ayyuhuma afdal, ay, les 10 dernières nuits de Ramadan, et les 10 premiers jours de dhul-hijjah. Enfin, c'est lesquels de ces 10 qui ont le plus de valeur et le plus de mérite. قال فأجاب رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. لماذا؟ لأن الحديث الكلير ما من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال. Donc هنا النبي صلى الله عليه وسلم il a pas cité d'exception. أي les 10 meilleurs jours ذي الحجة تستفيد هذا من هذا الحديث. Donc les 10 meilleurs jours c'est les 10 premières journées de ذي الحجة. والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Par contre, les 10 dernières nuits de Ramadan, elles ont plus de valeur que les 10 premières nuits de ذي الحجة. لماذا؟ لأن dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a la nuit du destin, ليلة القدر. خير من ألف شهر. وابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد après avoir cité la parole de l'imam Al-Taymi رحمه الله قال وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من الأيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. C'est pour ça que c'est les 10 meilleurs jours de l'année. لماذا؟ لأن il y a le jour de عرفة, le neuvième jour, et عرفة ça fait partie des meilleures journées de l'année. كذلك يوم النحر, أي le dixième jour, le jour du Eid, le jour du sacrifice. Yawm al-Tarwiya. Yawm al-Tarwiya, c'est le huitième. Donc le huitième, le neuvième et le dixième, c'est les trois premiers jours du Hajj. Et le jour de Arafa, Ba'd al-Ulama, ils ont dit c'est la meilleure journée de l'année. Ba'd al-Ulama, ils ont dit c'est Yawm al-Nahr. C'est le jour du Eid. Limada, liyanna, y'a al-Tawaf, y'a le sacrifice, y'a le Jamaraj, y'a beaucoup d'ibadat. المهم العلماء اختلفوا لكن هذا سنمونتر que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah c'est les 10 meilleures journées de l'année. قال ابن القيم رحمه الله وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها. أي les 10 dernières nuits de رمضان النبي صلى الله عليه وسلم il leur donnait beaucoup d'importance. La preuve أنه il faisait beaucoup d'efforts pour veiller la nuit en salat. Et il a encouragé la communauté à faire beaucoup d'efforts de ne pas dormir ces 10 dernières nuits de Ramadan pour veiller en salat. Hada, ça nous montre que هذه الليالي لها فضل par rapport aux autres nuits. قال وفيها ليلة خير من ألف شهر، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. نعم، ثم ابن القيم رحمه الله إلى كونكلو أن السلبي كدلس هذا التفصيل، فكما قال لم يمكن أن يدلي بحجة صحيحة. لماذا؟ لأن il aura du mal à rassembler entre toutes les preuves. Avec هذا التفصيل tu arriveras à rassembler avec toutes les preuves. Donc le résumé c'est que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah ils sont meilleurs que tous les jours de l'année, que tous les autres jours. Les 10 dernières nuits de Ramadan c'est les meilleures nuits de l'année. الإمام الكثير رحمه الله تعالى كذلك رجح ذلك في تفسيره في سورة الحج. قال وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. نعم، avec cet avis, التفصيل tu rassembleras entre toutes les preuves بإذن الله عز وجل والله أعلم. فهذا كلام جميل. بقي pourquoi ces 10 premiers jours ils sont meilleurs que les autres. Bien sûr, on a la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال والحكمة أي la sagesse. Pourquoi ces 10 premiers jours ils sont meilleurs que les autres? في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية إجمع أمهات العبادات فيها. إجمع أمهات العبادة فيها. أي dans ces 10 premiers jours tu as les fondements de l'adoration qui sont accomplis. قال فيها الحج. Et c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Avec tout ce que le hajj il englobe comme adoration. Comme dhikr, comme tawaf, comme sa'i, comme rami fil jamarat, al-wukuf fi arafa, etc. Qala wa sadaqa. Que ce soit al-udhiya ou autre. De donner l'aumône, sadaqa. Qala wa siyam. Le 9e jour de arafa pour ceux qui ne font pas le hajj. Qala wa salat. Bien sûr, la salat c'est tous les jours. وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكْ فِي غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْ. Al-Hajj, c'est un pilier de l'islam. Al-Salat, c'est un pilier de l'islam. Al-Siyam, c'est un pilier de l'islam. Lakin le mois de Ramadan, lakin le jeûne, bien sûr, il a une immense valeur. Et Al-Sadaqa كذلك. Donc, c'est la hikma pourquoi ces 10 jours, ils ont un énorme mérite عند الله سبحانه وتعالى. Donc on doit essayer de faire des efforts. 10 jours, ça passe très très vite. Et al-mu'min, s'il ne fait pas des efforts dans ce genre de munasabat, dans ce genre d'occasion. Vous avez remarqué que al-muslim, il a des moments pour se rattraper. Maintenant, celui qui jeûne le jour de Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses péchés de l'année passée, l'année à venir. Comme Zayat, inshallah. C'est des forces que le muslim, il ne doit pas laisser passer ces occasions. Kadalik des fawa'il azim. Celui qui fait le hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne tous ses péchés. Celui qui donne l'aumône, enfin, il a telle récompense. On doit s'efforcer. Mais si on se laisse emporter par dunya et on tombe fil ghafla, wallah, hatta hadhihi al-mawasim, al-insan rubbama la yataharrak qalbuh. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a une kalima jamila, qala fiha anna an-nas ils sont fi ghafla. Beaucoup de gens ils se sont éloignés mina al-amal as-salih. On ne parle pas de durant toute l'année, même cette occasion, ces 10 jours, c'est très très court 10 jours. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen hatta adh-dhikr. Adh-dhikr wa at-takbir, c'est une ibada azima pendant ces 10 jours. Ba'dhum yashuhu biha. Ash-shuh c'est la varie. Même adh-dhikr. Tu n'as pas besoin de voyager comme le hajj, tu n'as pas besoin de faire les ablutions, de te lever comme pour la salat, ou sortir de l'argent comme pour as-sadaqa ou autre. Là, dhikr, tu peux le faire en marchant, assis, couché, avec les ablutions, sans les ablutions, au travail, au masjid, chez toi, dehors. Hatta hadhihi al-ibada, qui est très très simple avec la langue, en ba'd an-nas yashuh. Pourquoi? Certains parce que le cœur il est malade, et d'autres parce qu'ils sont tombés fil ghafla. Ils y pensent même pas. Ils sont fi hadhihi al-ayyam al-azima et ils oublient. Ils oublient, personne ne leur a rappelé. D'autres, ils ignorent, ils ne connaissent même pas. Hadhihi al-masail. L'importance d'étudier hadha al-bab et de le propager. De propager hadhihi al-ulum de nos savants et qabla dhalik du Coran et de la Sunna. ثم قال رحمه الله وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه ما يذكر مما يحسن ذكره دون ما لا يحسن لعدم صحته في هذا الباب كغيره باب فضائل الأعمال. يا بكد أحاديث ضعيفة بعض الناس يتساهلون فيها في بروباج دي أحاديث كي سون فبل. C'est pour ça que l'imam Ibn Rajab رحمه الله نبه عن ذلك. Tu trouveras beaucoup de hadiths authentiques et les mettre en application, ça fait partie de la sunnah. Ça peut être obligatoire, ça peut être recommandé. La plupart de ces ibadat, les dix premiers jours, on va voir, c'est même un neuf, c'est recommandé. Bien sûr, sauf certaines ibadat, surtout pour celui qui fait le hajj, comme Arafat, etc. Tu trouves fi hadhihi al-abwab al-fada'il, sur les actions, les œuvres recommandées, les œuvres méritoires, tu trouves beaucoup d'ahadith dha'ifa, fa la'bud min hadha at-tanbih. Nata'abbad lillahi 'azza wa jalla avec l'ahadith الصحيحة que ça soit في فضائل الأعمال أو في غيرها même si c'est quelque chose de مستحب ونتحرى الصحة. On fait des efforts pour se baser sur des preuves authentiques. ثم قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط وفي رواية في العشر قط. وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث. ثم إلى سيتي لا بروميير مسألة سور الصيام. Est-ce que c'est légiféré de jeûner les 10 premiers jours? Enfin, un tambih, on dira souvent les 10 premiers jours, alors que pour siyam, c'est que les 9 premiers jours. كما نبه على ذلك الحافظ بل الإمام ابن رجب نفسه on lira son كلام. نعم نبه عن ذلك juste après. فنقرأ. قال وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث. On a déjà fait كذلك cette remarque الحافظ ابن رجب رحمه الله يسيت souvent la parole de l'imam Ahmed. لماذا؟ لأنه c'était un حنبلي المذهب فكان يعتني كثيرا بأقوال الإمام أحمد. قال فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه وذكر حديث حفصة. تو حديث عائشة رضي الله عنها اللي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنا جامي جوني لي 10 بروميي جور. Et on a des autres hadiths, parmi ces hadiths, hadith Hafsa radiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait les 10 premiers jours. Donc, tu as deux hadiths qui se contredisent en apparence. فالحافظ قال وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة فأسنده الأعمش. أما حديث عائشة, il est صحيح, il est صحيح مسلم. Donc la base, c'est qu'il est authentique. قال فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا وكذلك جاب غيره من العلماء بأنه اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أي إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت. أولا وبعض العلماء يضعفون حديث حفصة أي الحديث وكسيتي كليرمون كو النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوني لي دي جور فالذي يظهر سكيلي فيبل إلي ضعيف. Et Aïcha radiallahu anha l'a informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait pas les 10 jours. On a un autre hadith, et c'est une des bases dans hadith al-Masala, c'est le hadith qu'on a lu au début du dars. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayyam al-amal al-salih fiha ahabbu ila Allah. Et il n'y a aucun doute que al-siyam ça fait partie des amal salihah, des œuvres pieuses. Donc on a tous ces hadiths, fal-ulama ikhtalafu. Ils ont cité beaucoup de aqwal pour montrer comment comprendre ces hadiths. وبعض العلماء قالوا إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بالمثبت. مثلا عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا pas fait الصيام. حفصة رضي الله عنها a informé que le Nabi صلى الله عليه وسلم لا fait الصيام. On prend le قول de حفصة. Pourquoi? Parce qu'elle a informé d'une chose. Et vu que c'est une personne de confiance رضي الله عنها, on accepte son information. Elle avait un علم en plus. هذا c'est un قول. Bien sûr, si on dit que hadith Hafsa, il est sahih. قال لأن معه علما خفي على النافي. هذا تقدم. وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملا. يعني وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبا. Une autre رواية عن الإمام أحمد أنه قال أن عائشة رضي الله عنها l'a voulu dire que le Nabi صلى الله عليه وسلم il jeûnait pas les 10 jours complètement. On répète, les 10 jours, ay, les 9. C'est min bab huna al-ghalib. Et Hafsa radiallahu anha, elle a informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les jeûnait complètement. قال فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه. Donc il y a un avis qui montre clairement La sunna, c'est de jeûner certains jours et de ne pas jeûner d'autres. Et de ne pas jeûner les neuf. Lakin, d'en jeûner certains. Ça, c'est un avis. Et yani, wa hafsa aradat anna kana yasumuhu ghaliban, fa yambari an yusam ba'dahu wa yuftar ba'dahu. Wa hadha al-jam' yasih fi riwaya man arawa ma ra'aytuhu sa'iman al-ashr, wa amma man arawa ma ra'aytuhu sa'iman fi al-ashr, fa yab'ud wa ya'tadir hadha al-jam' fi. Na'am. Ce dernier avis, il est pas sahih. Le fait de différencier entre les neuf jours ou qu'une partie. L'imam Ali An Aisha radiallahu anha dans une riwaya, elle a bien montré où il ne jeûnait pas du tout, qat. Il les a jamais jeûnés. Donc, cet avis, il ne tient pas par rapport à cette riwaya. Al-Khulas, ça le résumé de cette mas'ala. Est-ce que c'est une sunna de jeûner les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah? Et est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné ces jours? Al-Ulama ذكروا بعض الأقوال autre que les avis qu'on vient de lire de Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah. Parmi les avis qu'ils ont cités, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صام ربما يضعف عن أن يعمل ما هو أعظم. أي قالوا أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم si pourquoi il n'a pas jeûné les 9 jours, comme a قالت عائشة رضي الله عنها. Donc si on prend la vie de عائشة رضي الله عنها, ou plutôt sa riwaya, la narration qu'elle a citée, لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما quand il jeûnait, بعض العلماء قالوا أن le jeûne ça affaiblit, surtout dans certaines périodes. Certaines si ça tombe l'été encore plus, enfin ça affaiblit. Et ربما le jeûneur il ne peut plus faire beaucoup d'efforts dans d'autres ibadat. Et هذا c'est مجرب. Quand ton jeûne arrive à un certain moment de la journée, tu as du mal à lire le Coran, tu as du mal à faire des nawafil, tu as du mal à te déplacer. Il a akhri. La fatigue, elle arrive très très vite. Wa ba'd al-ulama qalu rubbama yahtamil an yakuna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ça l'affaiblisse. Hada c'est l'avis ou un des avis que l'imam al-Tahawi rahimahullah il a cité fi mushkil al-athar. Un autre avis, بعض العلماء يقولون يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يوافق عشرا خاليا عن مانع يمنعه من الصيام منه. Ça c'est un des avis de l'imam al-Qurtubi. Vu que le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas après que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré de que ces 10 premiers jours c'était une sunna de faire beaucoup d'actes, il a akhiré, le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas vécu longtemps. Même Siyam al-Fard, le sahih, c'est que le jeûne, il a été rendu obligatoire après l'Hijra, bien sûr, fil Madina, la deuxième année de l'Hijra. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas jeûné beaucoup d'années. Fa hakada, hadihi al-Nawafil. Fa ba'd al-ulama yaqulun, rubbama, à chaque fois que le mois de Dhul-Hijjah commençait, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un mani. Imma il était en voyage, imma il était malade, imma il était occupé par certaines choses, jihad, مثلاً, le jihad, ça demande des forces. Probablement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne jeûnait pas pour ces raisons. Troisième, on peut citer un troisième qawl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, taraka siyamaha, et les 10 premiers jours, il ne les jeûnait pas, khashyatan an yufrad as-sawm, par crainte que le siyam devienne obligatoire. وهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدلس certain نوافل par peur, par crainte que ça devienne obligatoire. On a un exemple مثلا avec صلاة قيام رمضان في المسجد جماعة, est-ce qu'on appelle تراويح. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a délaissé par peur que ça devienne obligatoire. Et cet avis كذلك الإمام القرطبي l'a cité في المفهم et الحافظ ابن حجر. والإمام النووي رحمه الله قال وعدم رؤية عائشة رضي الله عنها لا يلزم منه أنه ما صام صلى الله عليه وسلم. Ce point il est très très important. كذلك le fait que عائشة رضي الله عنها elle a informé qu'elle n'a pas vu, elle ne savait pas que le Nabi صلى الله عليه وسلم il jeûnait. Le fait de ne pas savoir, ça ne veut pas dire que le Nabi صلى الله عليه وسلم il ne jeûnait pas. هذا كذلك c'est un point à prendre en considération. على كل حال الصوم داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. On a une base dans هذه العشر par rapport à ces 10 premiers jours. أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a encouragé de faire beaucoup d'œuvres. Et là, je sais qu'un somme, c'est une des œuvres les plus méritoires. من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا 70 عاما. Celui qui jeûne un jour sincèrement pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne son visage du feu une distance de 70 ans. Donc, là, chaque anna, celui qui a de la force et qui est motivé et qui veut jeûner les 9 premiers jours, fa, inshallah, c'est un amal salih et s'il est sincère, il aura une énorme récompense. Lakin nastafid min hada une fa'ida tayyiba anna. Et les personnes, elles sont différentes, fihad. Anna, celui, khasatan, cette année, ça va tomber l'été, ben là, en plein été. Les journées sont assez longues, il fait assez chaud, encore plus chaud dans certaines régions, dans certains pays. Enfin, celui que s'il jeûne, il ressent qu'il se connaît, il a l'habitude, il a aussi jeûne l'été, ça l'affaiblit, il a du mal à se déplacer, il a du mal à lire le Coran et à faire d'autres ibadats. S'il fait passer d'autres ibadats avant, min salatin wa sadaqatin wa autre, fahada, la bas. Aslan, ce n'est pas obligatoire. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنما يقال صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه. بعض العلماء منهم ابن سيرين رحمه الله إنما pas dire jeûner les 10 jours. لماذا؟ لأن les 10 jours يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de jeûner le jour du عيد. فلهذا ابن سيرين يخصيصه le fait de dire jeûner les 9 premiers jours. لكن كما قال ابن رجب رحمه الله beaucoup de savants ils disent الآن jeûner les 10 premiers jours من باب الغالب أي les 10 jours qui se jeûnent. Bien sûr aucun savant ne dit qu'il faut jeûner le jour du عيد. فهذا لا بأس. Il n'y a aucun mal de dire les 10 premiers jours. ثم قال رحمه الله وأما قيام ليالي العشر فمستحب وقد سبق الحديث في ذلك وقد ورد ولقد ورد خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لا تصح. أما قيام الليل le fait de veiller la nuit en salat pendant les 10 premiers jours de ذو الحجة فلا شك أنه مستحب. لماذا؟ On a une règle, العمل الصالح, que ce soit des salawat, صيام, ذكر, صدقات, أمر بالمعروف, نهي عن المنكر, طلب العلم, même une ibadah que l'insan il fait dans cette période, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Belle, c'est cette période où Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres, il les aime le plus. Donc l'insan yajtahid wa yukhlis an-niyya lillah. Amma, certains hadiths qui montrent que les nuits du Eid, annahu c'est bien de faire qiyam l'ayl, cette précision spécifie la nuit du Eid, fahada y a aucun dalil. ثم قال وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. Cette مسألة نعم ستأتي معنا. أي c'est recommandé de faire beaucoup de ذكر. قال وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فدانس حديث يرسمبل à حديث ابن عباس رضي الله عنهما sur les mérites de faire beaucoup d'adoration les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et هنا في حديث ابن عمر هي بريسيزيون قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التهليل. التهليل c'est le fait de dire لا إله إلا الله. والتكبير le fait de dire الله أكبر. والتحميد le fait de dire الحمد لله. أي العناية بالذكر. Faire beaucoup de ذكر. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ثم قال رحمه الله الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور. أي les mérites du mois de ذو الحجة. Et كذلك like dans هذا الفصل il a cité certaines عبادات comme le ذكر et autres qu'on essaiera de détailler ensemble إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا. هذا الذي قلنا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله il a choisi que les nuits et les jours des 10 premiers les 10 premiers de Dhul Hijjah sont meilleurs que tout le reste de l'année, même Ramadan, même les nuits. بل قال وهذا بعيد جدا. نعم هذا سنقول، لكن الذي يظهر سي لافي دو شيخ الاسلام ابن تيميه التفصيل الى الى الى طيب. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اخبر ان ليله القدر خير من الف شهر. Ça c'est une mazia sur toutes les nuits. On n'a pas de dalil sur que les nuits de Dhul Hijjah elles ont cette fadila. Il y a un hadith, فلهذا قال ابن رجب رحمه الله ولو صح حديث ابي هريره قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لكان صريحا في تفضيل لياليه على ليالي عشر رمضان. هذا ان يكون دود سي سو حديث il aurait été authentique قيام كل ليلة منها اي شاك نوي parmi les 10 premières nuits de Dhul Hijjah منها بقيام ليلة القدر elles sont équivalentes à la nuit du destin. Si ce hadith il serait صحيح فلا شك c'est comme s'il y aurait 10 nuits du destin par rapport au mérite et au hasanat. Les 10 premières nuits de Dhul Hijjah elles auraient la valeur de la nuit du destin. Dans ce cas, on aurait dit bien sûr que les 10 premières nuits de Dhul Hijjah elles sont meilleures, lakin ce hadith il est faible. Comme a dit Al-Hafid lui-même, لو صح هذا الحديث, ça montre que le hadith il n'est pas صحيح عنده. الحديث il est ضعيف في سنده مسعود بن واصل. Et كذلك un autre apôtre qui s'appelle النهاس. Et les deux ils sont ضعيفs. Donc على كل حال ما تقدم ترجيحه من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير عليهم رحمة الله جميعا سأل قول الصواب. ثم قال رحمه الله ومن فضائله parmi les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah أنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. دونك الأيام المعلومات c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. قال وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. Donc Allah سبحانه وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. Ça c'est من صفات المؤمنين أنهم donnent beaucoup d'importance au dhikr durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. قال منهم ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي. Donc ça nous montre qu'il y a un khilaf. بعض العلماء يقولون أن الأيام المعلومات c'est autre. لكن الصحيح c'est هذا. قال وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. On a autre chose des autres أيام. Et بعض الإخوة أحيانا يميلونج. C'est الأيام المعدودات. Donc on a الأيام المعلومات c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. أما الأيام المعدودات قال الحافظ ابن رجب رحمه الله dans son l'explication de صحيح البخاري فتح الباري وأما الأيام المعدودات فالجمهور على أنها أيام التشريق. أما الأيام المعدودات قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات c'est أيام التشريق أي les 3 jours après العيد. Le 9 de Dhul Hijjah c'est عرفة. Le 10 c'est العيد عيد الأضحى. Et le 11, le 12, le 13, c'est Ayyam al-Tashriq. Et quand Al-Hujjaj reste à Mina. Donc, Al-Ayyam al-Ma'doudat, c'est Ayyam al-Tashriq. Qala, ou intaha kalam al-Hafid. Et il y a une riwaya, fi tafsir Sa'id ibn Mansour, rahimahullah, an Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, annahu qala, Al-Ayyam al-Ma'loumat, Ayyam al-Ashr. والأيام المعدودات أيام التشريق. هذه الرواية للصحيحة. سعيد بن جبير كيف partie des grands élèves de ابن عباس رضي الله عنهما هنا il a montré clairement الأيام المعلومات c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. الأيام المعدودات c'est les 3 jours de تشريق. ثم قال رحمه الله فأما أهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عشر ذي الحجة أي ceux qui ne font pas le حج يشاركون الحاج في عشرة ذي الحجة. من رحمة الله عز وجل أن ceux qui ne font pas le Hajj, كذلك ils ont des choses à faire, des عبادات à faire, et dans certains cas, elles ressemblent aux adorations que le musulman y fait durant le Hajj. قال في الذكر, فمثلا يشاركون الحجاج في الذكر. قال وإعداد الهدي, فأما إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الأضاحي. كم الحجاج, il se prépare pour الهدي. الهدي c'est pour الحجاج, et le sacrifice qu'ils font le dixième jour de Dhul-Hijjah, ça s'appelle الهدي. Et autre que les حجاج, et les musulmans qui n'ont pas fait le Hajj, فهم يشرع في حقهم الأضحية. C'est un sacrifice كذلك, le même jour, لكن ça s'appelle الأضحية pour غير الحجاج. Donc vous avez remarqué que يشاركون الحجاج dans le sacrifice, لكن pour الحاج ça s'appelle الهدي, et pour غير الحاج ça s'appelle الأضحية. قال كما يسوق أهل الموسم الهدي ويشاركونهم في بعض إحرامهم إلى آخره. On revient au ذكر. هنا il y a plusieurs مسائل, plusieurs points importants. أولا الذكر donc c'est مشروع toujours, et encore plus les dix premiers jours de ذو الحجة. تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما, c'est clairement الذكر. Et hadith ibn Abbas, c'est cité à l'a'mal al-saliha. Il n'y a aucun doute que al-dhikr, c'est min afdal al-a'mal. Donc, hada, c'est wadih. Cheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah, qala, kama bi majmou' al-fatawa, wal-rasail, al-takbir fi 10 dhil-hijjah, laysa muqayyidan bi adbar al-salawat. Hada, c'est un tanbih muhim. Al-takbir, liana, on a al-dhikr, et plus spécifiquement à takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Ah oui, une autre sira, une autre formulation dans le takbir. Al-muhim anna takbir, on a beaucoup de adillah et beaucoup d'athar anis sahaba radiyallahu anhum, annahum ils faisaient beaucoup de takbir durant cette période. Tu as un takbir mutlaq et muqayyad. On répète takbir mutlaq wa muqayyad. Al-mutlaq, Cheikh ibn Uthaymeen قال هو الذي يسن في كل وقت, والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. Donc tu as un takbir qui est mutlaq, أي les dix premiers jours, ثم tu as un takbir qui est muqayyad après les salawat obligatoires. هذا أولا. شيخ بن باز رحمه الله تعالى قال وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في الصح أقوال العلماء في خمسة أيام يا خلاف بين أهل العلم. لكن الصحيح سك التكبير المطلق المقيد يسوغيونيز دان سانك جور, يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. صافا لو نوفيام جور, لو ديزيام, لو أونزيام, لو دوزيام, إي لو تخزيام, أي جوسكا لا فان دو حج, جوسكو مغرب دو تخزيام جور دو ذو الحجة. قال وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق فلا مقيد. Donc pour résumer, pour faciliter, du premier de Dhul-Hijjah jusqu'au huitième jour, c'est al-dhikr al-mutlaq et al-takbir al-mutlaq. Et tu fais al-takbir et des autres adhkar quand tu veux, au masjid, chez toi, il a akhir. هذا سيذكر المطلق. أما يوم عرفة والنحر, le 9e, le 10e, le 11e, 12e et 13e, c'est il y a un ذكر مقيد. Il y a toujours le ذكر مطلق, tu fais le ذكر toute la journée, la nuit, إلى آخره. لكن il est مقيد, il est spécifique dans un moment donné, أي après les salawat. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التكبير في عشرة ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات. فكونهم يقيدون بأدبار الصلوات فيه نظر. Ça c'est une première remarque et c'est une erreur. أن البعض dès que le premier jour de Dhul Hijjah commence, il spécifie ce moment avec التكبير. مثلا dès qu'il finit صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء, les 5 صلوات directement ils font du تكبير. التكبير هذا c'est une erreur. La deuxième remarque, قال ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر ايضا لانه خلاف عاده السلف. La deuxième remarque, et كذلك c'est une erreur, ان البعض dès que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah donc ils commencent, donc ils font at-takbir après les salawat et ils les font en groupe. C'est pour ça que dans certains masajid, ils lèvent tous la voix ensemble et ils disent Allahu Akbar ensemble. هذا كذلك c'est min al-muhdathat. C'est une innovation, لماذا لان السلف ils ont jamais fait هذا. ثم قال فالمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة. On est pas encore au jour de Arafat. On est dans les du premier au 8 الآن. Le مشروع c'est après les salawat tu fais l'Adhkar comme d'habitude. ثم quand tu as fini l'Adhkar, enfin vu qu'on est dans les premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a un énorme mérite de faire des adorations et parmi les meilleures adorations un dhikr. فال مؤمن il fait du dhikr. هذا c'est واضح. أما si on revient à la مسألة le dhikr أدبار الصلوات. Donc تبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق كذلك كتاب الأوساط لابن المنذر. Ces livres ils sont très très importants. لماذا؟ لأن ces imams الإمام ابن أبي شيبة الإمام عبد الرزاق الإمام ابن المنذر ils ont rassemblé les paroles des صحابة رضي الله عنهم et ceux qui sont venus après eux min a'immati sunnah. Dans ces livres, ils ont rapporté un Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas et d'autres, radiyallahu anhum, ajma'in, anna ha'oula as-sahaba, radiyallahu anhum, kanu yukabbirun, aqib as-salawat. Donc, ils faisaient hada al-takbir al-muqayyad, on parle à ces moments, yawm arafa, wal-nahr et ayyam al-tashriq. Après les salawat, ils faisaient hada al-takbir. Donc, hada al-dikr al-muqayyad, il est mashrou'. Et كذلك c'est مشروع de le faire après salat directement كما ثبت عن هؤلاء الصحابة بل ابن تيمية رحمه الله الإمام وابن رجب ils ont rapporté الإجماع. ابن رجب il a rapporté عدم الخلاف qu'il n'y a pas de divergent et الإمام ابن تيمية il a rapporté الاتفاق أو الإجماع que c'est légiféré de faire التكبير après les salawat le jour de Arafa le jour du Eid et jusqu'au 13e jour, le dernier jour de Ayyam Tashriq. Avec khilaf, bayna ba'd sahaba, bayna al-ulama, ba'dhom ils disent ça s'arrête tel jour. Il y a un khilaf dans certaines masa'il, lakin al-ijma' an al-dhikr li mashrou', ay bil jumla. Ay c'est légiféré de faire du dhikr après les salawat. Amma les moments où ça commence quel jour et ça s'arrête quel jour, hada il y a de la divergence. Et as-sahih comme قال Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ça commence يوم عرفة, on parle du dhikr après les salawat, et le takbir. Ça commence le jour de عرفة et ça se termine à l'Asr, le 13e jour de Dhul-Hijjah, et le dernier jour de Tashriq. Il y en a le Maghrib, à partir du Maghrib, on passe à la nuit du 14. Enfin, on a c'est plus légiféré. Lakin avec les tanbihat qu'on a cité min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, ne pas faire en groupe. هذا سي مهم اما لفير ان غروب فسي من البدع والمحدثات والله تعالى اعلم كذلك اسكون في افون الاذكار ام ابخي الاذكار الذي يظهر سي كو سي ديريكتومون ابخي الصلوات يا با دو انكار celui qui fait directement après الصلوات بل بعض العلماء الامام ابن رجب رحمه الله الى مونتري كو هذا سي عمل المسلمين depuis l'époque الصحابه رضي الله عنهم فلا انكار certains savants انكروا هذا. Ils ont montré que c'était khilaf sunnah. لماذا لأنه il fallait faire déjà adhkar al-salat. Lakin on a amal al-sahaba radiyallahu anhu en cette période après la salat il faisait هذا التكبير. فلا إنكار في هذا. Et celui qui fait après l'adhkar inshallah l'amr il est واسع. لكن suivre al-sahaba radiyallahu anhum في هذا وفي غير هذا c'est مهم. أما قوله ويشاركونهم في بعض إحرامهم فإن من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال خرج حديثهم مسلم. نعم كما روت ذلك أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال صنصت الحديث خرج حديثها مسلم. هذه المسألة كذلك ألا important. نقرأ من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع إلى غزمي ست مسألة بكان كلام طيب. أما الحديث on peut le lire قال رحمه الله والدليل عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر quand les 10 premiers jours ils commencent c'est-à-dire au fajr إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره نعم جيجي au fajr العشر ça commence au maghrib plutôt مثلا la journée on va être le dernier jour de Dhul Qi'da ثم au maghrib Dhul Hijjah le mois de Dhul Hijjah il commence C'est fil maghrib. Il قال إذا دخل العشر au maghrib, le mois de Dhul-Hijjah, il commence. À partir de ce moment, وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِي فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ وَلَا مِنْ ظَفْرِهِ شَيْئًا Donc le hadith, il est صحيح مسلم عن أم سلمة. قال والحكمة من ذلك أي المؤمن qui a l'intention de sacrifier une bête le jour du عيد أن يضحي فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ Il n'a pas le droit de se couper les cheveux ou de se couper les ongles. Donc, du premier jour de Dhul-Hijjah jusqu'au 10. Ces 10 jours, il n'a pas le droit. Donc, Tastafid min hadha, celui qui compte sacrifier une bête le jour du Eid, s'il a besoin de se couper les ongles, il se coupe avant. Ou pour les hommes, se tailler la moustache ou se couper les cheveux, il y a un grand besoin. Quand le mois il commence, tu n'as plus le droit jusqu'au 10e jour. Et 10 jours, ça peut faire long. Si l'insan ne s'est pas préparé avant. Donc, donc, ça nous montre que celui qui ne fait pas le hajj, il sharik al hujjaj fi hada. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, et le hikma de cela, que Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatihi, lama khassa al hujjaj bil hadi, وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي donc il y a cette مشاركة entre le حج وغير الحج أنهم les deux sacrifient une bête كما تقدم ثم قال وشرع لهم أن يجتنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا يعني لا يترفه فهؤلاء أيضا مثله comme celui qui fait le hajj en état de ihram il n'a pas le droit de se tailler les ongles se couper les cheveux et l'akhirah هكذا celui qui ne fait pas le hajj لكن vu que il fait une chose qui ressemble à celui qui fait le hajj et le sacrifice فهكذا il a le même hukm que lui il n'a pas le droit de se couper les ongles et se couper les cheveux. Est-ce que c'est obligatoire, Amla ? Ou plutôt, est-ce que c'est haram de se couper les ongles et de se couper les cheveux cette période ? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يظهر أن التحريم أقرب لأن الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر به التعبد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن نعم فهذا الذي يظهر La base c'est que ce n'est pas permis تقدم معنا هذا الأصول أن الأصل في النهي c'est التحريم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذن أي ne prends pas ne touche pas tes cheveux et à tes ongles enfin la base c'est que c'est haram il faut un autre hadith qui montre que ce n'est pas haram donc on reste sur هذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله على من يضحي il y a une autre مسألة est-ce que c'est que pour celui qui sacrifie يفهم منه قال أنه من يضحى عن لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك مثلا une famille un père avec une mère avec deux enfants est-ce que cette interdiction elle englobe toute la famille لأنهم الأضحية cette bête c'est pour toute la famille ou c'est que pour celui qui va sacrifier مثلا le père قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفهم منه أنه من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك والدليل على هذا ما يلي نعم سيسا الصور أن العمير et les enfants هؤلاء ils ont droit pourquoi قال أولا لأن هذا هو ظاهر الحديث نعم قال وأراد أحدكم أن يضحي أي c'est le fait de sacrifier donc هذا c'est le حكم le fait l'interdiction de se couper les cheveux ou se couper les ongles les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah C'est que pour celui qui a l'intention de sacrifier. Mais celui qui n'a pas l'intention de sacrifier, il a le droit de se couper les ongles et les cheveux. ثانياً قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذون من شعوركم وأظفاركم. Et هذا c'est un point important. النبي صلى الله عليه وسلم il sacrifiait le jour du عيد Et bien sûr, il appliquait cette sunna, il se coupait pas les cheveux et les ongles. Et il disait pas à ses femmes, aux ses enfants, aux ceux qui étaient sous sa responsabilité, de ne pas se couper les ongles ou les cheveux. Non. قال لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ Si on قدر que on parle pas de l'ignorant, celui qui ne sait pas, enfin, il est ignorant. Lakin celui qui sait et il se coupe les ongles ou il se coupe les cheveux. Est-ce que al-udhiya est accepté, amla? Est-ce que son sacrifice il est accepté ou non? قال الشيخ نعم تقبل لكن يكون عاصيا. Son sacrifice il est accepté. Limada lana les conditions du sacrifice c'est ils sont connus, l'ikhlas, le fait de dire bismillah ila akhirih. Amma hada, c'est quelque chose d'à part. Donc, s'il se coupe les cheveux, il se taille les ongles, il se coupe les ongles, il a commis un péché. Il a khalif l'ordre du prophète, alayhi salatu salam. Il est athim, donc il a commis un péché. Amma al-udhiya l'a accepté. قالوا أما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح. Cette idée elle est répandue chez certains عوام أنه si quelqu'un se coupe les cheveux ou les ongles, son sacrifice il est plus valide. هذا c'est pas صحيح. قال لأنه لا علاقة بين صحة الأضحية والأخذ من هذه الثلاث. Il y a aucun lien. C'est quelque chose d'extérieur à l'ibada, comme on a vu dans l'usul. C'est exactement la même mas'ala, celui qui fait salat avec un qamis haram. Maintenant, son qamis, il est en soie. Ou son qamis, il l'a volé. Il est haram. S'il fait salat, est-ce que la salat, elle est acceptée? Bien sûr qu'elle a accepté la salat. Lakin, il est athim. Il a commis des péchés d'avoir volé ce qamis ou d'avoir porté ce qamis en soie. Voilà. Donc, al-jiha, quand elle est munfaka, quand c'est une chose extérieure à l'adoration même, l'adoration, elle est authentique. Et l'insan, il est jugé par rapport à ce qu'il a fait. Hada, wallahu ta'ala alam, quelques masa'il sur akhd al-shar. On conclut hada dars bi qawlihi rahimahullah à la fin de hada al-majlis, à la fin de ce premier point, قال al-ghanimatu al-ghanimatu bintihaz al-fursa fi hadhi al-ayyam al-azima. Il a conclu avec hadhi al-nasiha al-jamila. Al-ghanima al-ghanima. Al-ghanima, c'est le butin. Hey, faites des efforts. Faites des efforts. C'est une ghanima azim. Ils font beaucoup d'efforts pour al-ghanaim ou pour des bienfaits de ce bas monde, argent ou autre. Anta akhi al-karim, hadhihi al-fursa. Awwalan, on ne sait pas si on va vivre pour les 10 premiers jours de l'Hijja de cette année. Il reste 2 semaines à peu près. Ou un peu moins. 2 semaines là, plutôt c'est pour l'Eid, il reste 5-6 jours là, pour le mois de Dhul Hijja. On ne sait pas est-ce qu'on va être en vie. Et même si on le fait cette année, on ne sait pas est-ce qu'on le refera une autre année. Allez, là, on doit faire des efforts. Qala, fama minha iwab wala laha qima. Sahih. Tu ne retrouveras pas une chose. Mathalan, si ces jours ils passent cette année, et un musulman parmi les musulmans, il n'a pas fait d'efforts, il ne trouvera pas. Un autre moment pour remplacer ces 10 jours. Même s'il arrive à faire ceux de l'année prochaine, ils ne remplaceront pas ceux de l'année précédente. Et comme combien de mois Obama, ils sont passés, on n'a pas fait des efforts. Al-Mu'min, il se remet en question. Et il ne refait pas les mêmes erreurs. Et il pense toujours à ce qui lui est profitable. Et la chose la plus profitable pour le Mu'min, c'est Al-Amal As-Salih, c'est les œuvres pieuses. قال المبادرة المبادرة بالعمل والعجل العجل قبل هجوم الأجل. المبادرة المبادرة c'est on doit se précipiter. On doit pas être toujours les derniers et se reposer sur certains acquis. بعض الناس ils ont un مبدأ خطير. Ils ont un principe très très grave. Un homme il se bouge quand c'est obligatoire. Ou il s'écarte d'une chose quand c'est interdit, quand c'est vraiment un grand péché. C'est très très grave. Tu ne sais pas c'est quel amal qui va être la cause que tu sois sauvé. Et celui qui sera sauvé, ça sera rahmatillahi azza wa jalla. Mais des causes. Et les meilleures causes, c'est هذه الأعمال. قال والعجل والعجل العجل قبل هجوم الأجل العجل كذلك. C'est se précipiter قبل هجوم الأجل. Avant que l'ange de la mort il vienne. Allah subhanahu wa ta'ala il a qadr avant de nous créer notre أجل, notre durée de vie. Et nous, On ignore cela, donc on doit faire des efforts. Peut-être que c'est la dernière fois, peut-être qu'il nous reste encore deux mois de Dhul Hijja à faire, peut-être trois, peut-être maladri. À la kulli hal, al-ijtihad. Qala qabla an yandam al-mufarritu ala ma fa'al. Avant les regrets. C'est pas mas'ala de dunya, c'est pas de l'argent là, c'est des hasanat que tu auras extrêmement besoin et que j'aurai énormément besoin. Yawm al-Qiyamah. Quand tu seras dans ta tombe seul, l'être humain n'espérera pas de l'argent ou autre. Min umur ad-dunya. Abadan. Les seuls regrets qu'il aura, c'est le fait de ne pas avoir fait des efforts fi hadhihi al-a'mal. Et c'est ayam qalila. Et al-mu'min, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi mahabbatin wa ta'zim wa khawf wa raja. Le mu'min, il doit s'habituer à faire des efforts. Et l'haqiqa, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la reconnaissance. Ça ne doit pas être un fardeau pour nous. Et si on ressent que c'est un fardeau, voilà, bout de min ijtihad. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Et alhamdoulilah, l'amr wasi'. Si tu as du mal à faire siyam, parce que c'est l'été, on ne doit pas faire l'erreur de certains. Je ne peux pas faire siyam, donc je ne fais rien. Tu ne peux pas faire siyam, ou ça t'affaiblit beaucoup. Alhamdoulilah, personne n'a rendu obligatoire un siyam à ce moment. Ne fais pas siyam, mais fais des autres adorations. Lis beaucoup le Coran, fais du dhikr. Écoute des doros, as-sadaqa. Kadalik, le fait de visiter la famille, les parents avec hadiniya wal ihtisab. Je fais plus d'efforts parce qu'on est dans le mois de Dhul Hijjah. Tu rends visite à tes parents et tu as un fadl adhim. Une énorme récompense. Min indillah azza wa jal. Mathalan, celui qui rend visite à ses parents, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est pas comme quand il leur rend visite maintenant au mois de Dhul Qa'dah. Abadan. C'est la même visite. Robama, c'est le même. Le même moment, le même temps, plutôt la même durée. Lakin fi dhil hijja, les actions elles sont multipliées. Qala qabla an yas'al ar-raj'a li ya'mal salihan fala yujab ila ma sa'al. Na'am kama taqaddam ma'ana dans nos durus sur les étapes de l'au-delà. Avant que l'insan il demande. Qala rabbi rji'un. Kam min an-nas leur seul souhait yawm al-qiyamah, ça sera de revenir sur terre. Pourquoi? L'amal salih, l'amal salih, pas pour autre chose, pas pour ramasser de l'argent. On est vivants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné pour beaucoup d'entre nous la santé, la capacité. Même celui qui a des problèmes de santé, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, tout le monde peut faire du zikr. Même celui qui est gravement malade, il est affaibli, fais du zikr comme tu peux. Si tu fais que cette ibadah les 10 premiers jours, on parle pour celui qui n'est pas capable. Fa il est à la khira, azim, jiddan. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yassara lana al-umur. Al-ghafla, elle vient de nous. Les manquements, ça vient de nous. Et le manque de reconnaissance, ça vient de kadhalik, de beaucoup d'êtres humains. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Qala qabla an yahoul al-maud bayna al-mu'ammil wa bulugh al-amal qabla an yassir al-mar murtahinan fi hufratihi bima qaddama min amal. Amal hadha al-kalam al المفيد المتين. Il a comparé l'insan أنه il sera مرتهن في حفرته في قبره. الرهن c'est quoi? C'est le fait de mettre en gage une chose. مثلاً, tu mets en gage un objet que tu aimes et les malades, il y en a, tu as une dette. Si tu rembourses ta dette, tu récupères cet objet. Tu rembourses pas, tu ne récupères plus cet objet. C'est ça un gage. Enfin, chacun de nous, on sera murtahan dans notre tombe avec nos amal. Si nos œuvres c'était sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et on a suivi le Nabi alayhi salatu salam et on a profité de ces occasions, Ramadan, les 10 premiers jours de l'Hijjah, Ashura, tous ces moments, les 6 jours de Shawwal, toutes ces occasions, bien, idhna azzawajal, ça pourrait être une cause que tu sois sauvé dans ta tombe et dans l'au-delà. Celui qui ne trouvera pas hadhihi al-a'mal, qu'est-ce qu'il va donner en échange? Il ne peut rien donner. Ça sera trop tard. قال ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. ثم إلى سيتي سو فير دو بويزي جميل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر. Chacun de nous dans son corps, il aura plus ces choses. إلا من وفقه الله من هداه الله من تقبل الله منه. Et il fait partie des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera énormément fi qabrihi qal na'in 'anil ahli 'ala qurbihi. L'insan, il sera seul. Même si ses proches, ils sont très très proches de lui. Lui, il est fi hadi al-hufra sous terre, probablement c'est sa famille vient le visiter souvent, lakin ils sont très très loin fi al-haqiqa. Il sera tout seul. Il sera tout seul sauf celui qui a fait des efforts fi al-'amal as-salih, il sera accompagné par ses œuvres. Comme a dit le hadith, en ses œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera l'apparence d'une personne avec une belle allure ila akhir. قال كذاك من مسكنه القبر قال يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين ثم هنا يكونسي ceux qui ont atteint un certain âge, ceux qui ont atteint la quarantaine, ceux qui ont atteint la cinquantaine, ou là encore plus. Ça ne veut pas dire que les jeunes ils ne doivent pas faire d'efforts, mais ceux qui ont atteint cet âge, plus l'insani il prend de l'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, maintenant ceux qui ont 70 ans, ils ne vont pas encore pouvoir profiter des 10 premiers jours de Dhul Hijjah pendant encore longtemps. Là, l'insan, il mourra un jour. فلهذا نصع هؤلاء قال يا من هو في معترك المنايا بين ما بين 60 وال 70 encore plus. Ceux qui ont entre 60 et 70 ans. ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends que Al-Yaqin il arrive et il est mort? قال يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر. Ceux qui ont énormément de péchés, on a tous énormément de péchés. قال أما تستحي من الكرام الكاتبين. كذلك on ne doit pas oublier أن في المواسم كما بين الحافظ ابن رجب dans plusieurs passages de ce livre, ربما مرت معنا أن parmi les choses qui font beaucoup de mal في هذه المواسم, et ces moments, ces périodes où il y a beaucoup de baraka comme Ramadan, comme ces jours, les 10 premiers jours, c'est al-dhunub. C'est les péchés. Les péchés, ça fait beaucoup de mal. Rubama l'insan, il est privé de nombreuses hasanat et de nombreuses barakat à cause de ces péchés. Khasatan à ces moments. Qala, ama tastahi min al-kiram al-katibin. Est-ce que tu n'as pas honte? Alors qu'il y a deux anges, un à ta droite, un à ta gauche, un à homme, tout. Alam testahi. Normalement, si on a l'iman qawi, et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend. Hada, ça doit pousser al-haya, à la pudeur. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est muraqab, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le raqib, c'est le sami', c'est le basir. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala, wakala malakain, karimain. Et il note tout ce qu'on fait. قال أم أنت ممن يكذب بيوم الدين. Vu que certaines personnes elles se laissent aller, qu'elles n'auront pas de compte à rendre. لا يجتهدون, ils font pas d'effort pour œuvrer. كذلك ils ne font aucun effort pour s'écarter des ma'asi. كأنهم ils n'allaient pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. On doit se poser cette question. Celui تستفيد من هذا une ثمرة عظيمة أن celui qui a la conviction, la certitude أنه il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, il n'agira pas comme quelqu'un qui n'a pas cette certitude. L'énorme différence entre le mu'min et le kafir, elle est هنا أن المؤمن il a la certitude أنه un jour il rendra des comptes. Le kafir, vu qu'il a oublié هذا ou il ne croit pas, il ne se prépare pas. قال يا من الظلمة قلبه كالليل إذا يسري أما أنا لقلبك أن يستنير أو يلين. Ça nous montre quoi? Que ce genre de période, ces occasions, c'est des occasions très très profitables pour le mu'min, pour faire tawbah. Ça ne veut pas dire qu'on attend que ces moments. Là, on doit faire tawbah tout le temps. Lakin, dans ces moments, on doit se remettre en question. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité, il nous a favorisé. Dans ces moments, on se remet en compte pour alléger ce cœur, pour attendrir ce cœur avec l'iman ou le dhikr ou l'amal. قال تعرض لنفحات مولاك في هذا العشر فإن الله فيه نفحات يصيب بها من يشاء فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. أي dans ces moments Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne beaucoup. كما سيأتي معنا le jour de Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala il descend et il pardonne. كذلك كثير من الناس يعتقون من النار que ce soit في رمضان que ce soit à cette période Allah subhanahu wa ta'ala il a franchi beaucoup de personnes من النار Allah subhanahu wa ta'ala, il guide beaucoup de personnes. C'est des occasions, des moments où il y a beaucoup de baraka. Al-baraka al-ilahiyya. Les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait des efforts, qui est sincère. Et il n'est pas insouciant. La preuve qu'il n'est pas insouciant, elle n'a. Quand les 10 premiers jours ils commencent, sa situation elle change. C'est comme Ramadan. Vous avez remarqué que quand Ramadan il commence, beaucoup de gens ils changent. Et hada c'est tayyib. Et on a un problème après dans la régularité. Celui qui fait la différence entre avant les 10 premiers jours et pendant, ça montre qu'il a du khair. La'allahu, il fera partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, il élèvera avec ces 10 jours. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana wa an yarhamana innahu ghafurun rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.